tangi, boîte pia cordéon, ya Ferouzi Camille, boîte pia cordéon, ya Ferouzi Camille, Ferouzi Camille à lobby, les lombous la moins beneki, aux alicola calacaye, accordéon, na ligi kotonga yote. Na yembio na nzembo, poya bana ya zai, bayo kangai na yo. Silu mwana besingombe, kanisa kangai wayo. Toza laki na yo loko la bande komi bare. Silu mwana besingombe, kanisa kangaiwa.